Mr. Black. Triste amour, elle m'a menti. Mais bon, je suis triste, je suis triste. Avant on était ensemble, maintenant elle est partie. Elle m'a laissé tout seul, elle m'a laissé tout seul. Avant on était ensemble, maintenant elle est partie. Elle m'a laissé tout seul, elle m'a laissé tout seul. J'ai pas raté aucun rendez-vous de mes bras, je vois très flou. Je ne savais pas qu'elle m'aimait pas, mais maintenant c'est déjà trop tard. Elle a vraiment tout caché. C'est maintenant que j'ai réagi, que cette meuf ne m'aimait pas. Elle faisait semblant de m'aimer.